Les scandaleuses lois linguistiques sur l'instruction ont été adoptées en 2017, sur la garantie du fonctionnement de la langue ukrainienne comme langue officielle en 2019, sur l'enseignement général secondaire complet en 2020, sur les peuples autochtones d'Ukraine en 2021. Toutes ces lois visent à la marginalisation de la langue russe, dans les faits, à son interdiction totale. Dans le même temps, ont été adoptées des lois encourageant la théorie et la pratique du nazisme. Les timides recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Haut Commissariat de l'OSCE pour les minorités nationales sur une correction de la législation linguistique ont été ignorées par Kiev. À leur tour, ces structures multilatérales n'ont pas eu le courage, à moins qu'elles n'y aient tout simplement pas été autorisées, d'inciter les autorités ukrainiennes à remplir leurs obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme. Afrique Média, le monde, c'est nous.